La poursuite contre MySpace est abandonnée. Un ancien est renvoyé par IBM pour clavardage. Un archevêque demande de boycotter TELUS pour leur porno. Et chirurgie et jeux vidéo, un bon mélange. C'est ce qui se passe tout de suite à La Connexion. C'est l'heure du jeu. Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante, avec vous pour une heure, des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. Cette semaine, on va parler d'un paquet de choses intéressantes du côté informatique. En jeu vidéo, c'est un petit peu plus relax, mais on va en profiter pour entendre une nouvelle série en concert. On la commence tout de suite, cette série qui s'appelle Chrono Symphonic. On fera une petite biographie de ce que c'est tantôt, mais tout de suite, voici la pièce Inciting Incident de Sapphire à La Connexion sur CFOU 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Voilà, c'est la première pièce de la nouvelle série qu'on entame cette semaine, Chrono Symphonic. Parlons un petit peu de cette série-là pendant qu'on est là. Chrono Symphonic, c'est une compilation de 25 pièces, deux disques avec des remixes de la musique de Chrono Trigger, le jeu vidéo pour Super Nintendo. C'est dédié pour le 10e anniversaire de ce jeu-là et c'est disponible gratuitement sur le site de Overclock Remix. C'est sur chrono.ocremix.org. Vous pouvez aussi retrouver de l'information sur cette compilation sur Wikipédia en anglais en tapant Chrono Symphonic. Donc, c'est distribué en deux formats, en MP3 et en FLAC. Si vous voulez la graver, cette compilation-là, vous pouvez le faire. Il y a aussi la pochette de l'album qui est disponible. Donc, c'est supposé sonner un petit peu comme un film. Vous l'avez sûrement entendu. C'est fait pour être orchestral un petit peu, même si c'est complètement numérique. Et puis, ça dit qu'il y a un reverb qui a été utilisé pour faire une genre d'ambiance de salle avec de l'écho. Donc voilà, c'est Chrono Symphonic. On a entendu la première pièce de cette compilation. C'est Sapphire, l'artiste, avec Inciting Incident. Chaque pièce est remixée ou refaite par quelqu'un de différent pour faire un célèbre tout en 25 pièces. On entendra les prochaines pièces dans les prochaines semaines, n'est-ce pas? Commençons le fil informatique. Cette semaine, quelques nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs. On commence par MySpace. Le juge d'une cour américaine a rendu mercredi une décision de non-recevoir à une poursuite judiciaire amorcée par une famille contre le site Internet de réseautage virtuel MySpace. La poursuite avait été entamée l'an dernier par une famille du Texas dont la fille de 13 ans a été victime d'une agression sexuelle par un homme de 19 ans. Ils s'étaient rencontrés évidemment sur MySpace. Cette famille réclamait 30 millions de dollars américains. Eh bien, le juge de la Cour fédérale a souligné dans sa décision que, en vertu de l'acte de décence dans les communications de 1996, MySpace n'est pas responsable du contenu publié par les internautes sur son site Internet. Et je cite, « Pour s'assurer que les gestionnaires de ces sites Internet ne croulent pas sous des poursuites judiciaires à cause de communications privées entre les internautes, l'acte de 1996 leur donne une immunité. » De plus, le juge a rappelé que la jeune fille avait menti sur son âge dans son profil d'utilisateur et indiquait qu'elle avait 18 ans alors qu'elle en avait 12. Selon les règlements de MySpace, les internautes qui désirent s'inscrire doivent avoir un minimum de 14 ans. L'avocat de la famille a indiqué aux médias qu'il envisageait d'autres options pour continuer les démarches judiciaires contre MySpace. Et cette décision du juge pourrait évidemment avoir un impact négatif sur d'autres poursuites qui ont été amorcées en janvier par des familles dont les enfants ont aussi été victimes d'agressions sexuelles après avoir clavardé sur MySpace. Ce serait quelque chose que les parents devraient peut-être essayer de prévoir à la place de guérir à la fin. N'est-ce pas? Surveillez vos enfants qui vont sur Internet, mettez l'ordinateur dans un endroit public comme le salon. L'encyclopédie en ligne Wikipédia fait désormais partie des 10 sites les plus consultés sur Internet aux États-Unis selon la firme Comscore Networks. Donc Wikipédia est arrivé en 9e position du palmarès de Comscore pour le mois de janvier avec 42,9 millions de visiteurs. L'encyclopédie a été plus populaire que les sites Internet de New York Times en 10e position, de Apple en 11e et de Viacom et MTV en 12e. En janvier 2006, Wikipédia était en 33e position et donc grosse augmentation. Fondée en 2001, l'encyclopédie contient maintenant plus de 5 millions d'articles dans 200 langues différentes. Et selon les statistiques de Comscore, Wikipédia est le 6e site le plus visité au monde, avec une moyenne mensuelle de visiteurs dépassant les 160 millions de dollars de visites. Aux États-Unis, un ancien employé d'IBM a entamé la semaine dernière une poursuite judiciaire contre la compagnie 3 ans après son renvoi pour avoir visité un site de clavardage pour les adultes. James Pakenza, 58 ans, soutient dans sa plainte qu'il souffre de problèmes psychologiques et que la compagnie n'aurait pas dû le renvoyer, mais plutôt le soutenir. Pakenza considère qu'il souffre du syndrome post-traumatique depuis qu'il a vu son meilleur ami se faire tuer en 69 pendant la guerre du Vietnam. Pakenza souligne dans sa plainte contre IBM que ce sont les effets du syndrome post-traumatique qui l'ont récemment poussé à devenir dépendant d'Internet. L'homme de 58 ans a expliqué qu'il n'avait jamais visité de site pornographique pendant ses heures de travail, mais qu'il avait besoin de clavarder avec d'autres internautes ce jour-là, suite à une visite du Vietnam Veterans Memorial de Washington. Pakenza croit que toute cette histoire-là n'était qu'un prétexte pour que la compagnie puisse le renvoyer avant qu'il ne prenne sa retraite. Du côté d'IBM, les avocats de la compagnie ont expliqué au juge que la visite de sites de clavardage adulte est interdite, autant que la visite de sites pornographiques. Selon eux, l'homme de 58 ans aurait en fait visité à plusieurs reprises des sites de cette nature et avait d'ailleurs reçu des avertissements de ses patrons. Parlons ensuite c'est un petit peu le même domaine. L'archevêque du diocèse de Vancouver a demandé aux écoles catholiques et aux églises de ne pas renouveler leur contrat de téléphonie cellulaire avec TELUS après qu'il eut été révélé que la compagnie permet à ses abonnés de télécharger du contenu pornographique sur leur téléphone mobile. L'archevêque Raymond Roussin affirme que la situation est une source de grande préoccupation pour lui. La deuxième plus grande compagnie de téléphonie au pays permet à ses clients depuis janvier de télécharger des photos et des vidéos porno pour la somme de 3 ou 4 $ chacun. Elle a confirmé la semaine dernière avoir reçu des plaintes de clients à ce sujet-là. Selon l'archevêque Roussin, les consommateurs ont le pouvoir de modifier le marché et de forcer TELUS à retirer ce service. Et je cite, « Je vous recommande fortement d'utiliser de votre influence pour protéger notre société des effets destructeurs de la pornographie. » C'est ce qui est indiqué dans un communiqué pour le site Internet du diocèse. TELUS ne viole aucune loi et estime avoir agi responsablement en mettant en place un système de vérification d'âge et en s'assurant que le contenu est conforme aux normes et aux lois provinciales, c'est ce qu'a dit le porte-parole de l'entreprise. Le matériel disponible pour téléchargement n'est pas considéré comme obscène en vertu des lois canadiennes, a-t-il ajouté. Des offres d'emploi de la Gendarmerie royale du Canada se sont malencontreusement retrouvées sur un site appartenant à une gang de rue américaine réputée comme très violente. La GRC a fait retirer les annonces dès qu'elle a su qu'elle se retrouvait sur le site Internet du gang de la 18e rue, une très large organisation criminelle de Los Angeles avec plus de 20 000 membres. Les annonces se sont retrouvées à jumeler au site des criminels à cause de leur hébergeur Lycos. C'est ceux qui hébergent leur site web. La GRC n'avait pas spécifié à la compagnie que ses offres d'emploi ne devaient pas se retrouver sur des sites liés de près ou de loin à des organisations criminelles. Selon un reportage de la CBC, le logo de la GRC se retrouvait par exemple au-dessus d'un forum de discussion où des menaces de mort étaient formulées par les membres du gang envers un groupe rival. Lycos a accepté de donner un espace publicitaire gratuit à la gendarmerie pour s'excuser de l'erreur. Ils sont sympathiques quand même. Plus de 40 ans après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, un musée de Dallas a reçu une séquence vidéo inédite qui montre le président américain environ une minute et demie avant sa mort. Le court film a été tourné en 63 par George Jeffries, un photographe professionnel américain, et la séquence a été léguée au musée Sixth Floor Museum de Dallas par Wayne Graham, le gendre de M. Jeffries, qui aurait récemment découvert la pellicule. Donc, si vous voulez télécharger la vidéo de 5.1 MB, vous pouvez aller sur le site jfk.org et l'article « Assassinat de John F. Kennedy » de Wikipédia fournit des informations sur cet événement. Perçus comme des rivaux depuis presque toujours, Steve Jobs et Bill Gates vont participer néanmoins à une discussion devant public lors d'un congrès en mai, nommé D, simplement la lettre D. Le congrès est organisé par le Wall Street Journal et concerne tout ce qu'il y a de numérique. L'événement va avoir lieu du 29 au 31 mai dans la ville de Carlsbad, en Californie. C'est la première fois que les présidents de Microsoft et de Apple vont être face à face pour discuter de l'avenir de l'informatique et de l'électronique. La dernière fois que les deux ont participé ensemble à un événement remonte au congrès Macworld de 1990. Selon un article de La Presse, le Parti libéral du Québec, vous avez certainement entendu parler de ça, demande à ses bénévoles d'écrire des commentaires dans plusieurs blogs pour influencer les lecteurs. Le courriel obtenu par La Presse a été envoyé par les responsables des communications nouveaux médias du regroupement 25-35 ans du PLQ, Magali La Liberté. Elle demande également aux bénévoles concernés d'appeler les tribunes téléphoniques et de participer à des entrevues à la télé ou à la radio. Le Parti libéral n'est évidemment pas le premier parti politique à tenter de conquérir l'électorat grâce à l'Internet. Le Parti québécois a par exemple lancé la semaine dernière bondébarras.tv où les internautes peuvent voir des témoignages d'individus qui n'apprécient pas les décisions du gouvernement de Jean Charest. L'Estonie va devenir le premier pays à permettre à ses citoyens de voter par Internet aux prochaines élections parlementaires. Les experts du gouvernement estonien estiment qu'entre 20 et 40 000 des 940 000 électeurs inscrits vont utiliser le vote électronique entre les 26 et 28 février prochains, quelques jours avant le scrutin du 4 mars. Le système de vote électronique a été testé la semaine dernière auprès de 4 000 électeurs qui avaient à choisir le roi de la forêt parmi une liste de candidats virtuels, dont un orignal, un chevreuil et un sanglier. La fiabilité du système n'inquiète pas les experts. Les ordinateurs d'où pourront être faits les votes par Internet vont comporter un lecteur pour que les électeurs puissent y insérer leur carte d'identité pour confirmer la validité du vote. Vous voyez que là-bas, ils sont vraiment technologiques. Deux dernières nouvelles en bref. Considéré comme l'un des pionniers de la micro-informatique, Steve Wozniak est revenu sur son parcours atypique d'inventeur et de cofondateur d'Apple lors d'une conférence à Montréal cette semaine. L'Américain de 56 ans était l'invité d'honneur de l'événement Boule de cristal organisé dans la métropole québécoise par le Centre de recherche informatique de Montréal, le CRIM. Pour voir plus d'informations à ce sujet, allez voir l'article Apple Was à Montréal sur branchezvous.com. Et Bill Gates et Stephen Harper ont annoncé 139 millions de dollars pour le développement de vaccins contre le virus du sida. Allez voir l'article qui s'appelle « Bill Gates donne 28 millions de dollars pour la recherche de vaccins contre le virus du sida ». N'est-ce pas un superbe titre d'article pour ça? Au retour, on termine le fil informatique et on entre dans le fil jeux vidéo. Tout ça plus vos chroniques préférées. Mais avant de faire ça, passons rapidement sur les jeux qui ont été les plus loin en date du 18 février. En cinquième position, c'est Dance Dance Revolution Supernova sur PlayStation 2. En quatrième, NHL 07 sur Xbox 360. En troisième, The Legend of Zelda Twilight Princess sur GameCube. En deuxième, c'est Guitar Hero 2 sur PlayStation 2. Et le jeu le plus loin en date du 18 février, c'est Lost Planet sur Xbox 360. La collection revient dans deux minutes sur C'est Fou 89.fm. La collection, une présentation à Playbox, 3210, boulevard des Forges. Bon retour, c'est la deuxième demi-heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. On a toujours Mathieu Plante. On était en plein fil informatique avant la pause. Continuons un petit peu là-dessus. Quelques nouvelles encore rapides. Bien qu'officiellement ouvert aux négociations sur la marque iPhone avec Apple, l'équipementier, comme on les appelle, l'équipementier réseau Cisco, souhaite que le différend qui l'oppose avec la marque à la pomme prenne fin rapidement et vient pour ça de faire savoir qu'il accordait à cette semaine jusqu'au mercredi 21 février pour trouver un arrangement qui pourrait satisfaire les deux parties. Cisco envisage sans doute de porter l'affaire devant les tribunaux, sinon tel qu'il l'avait précédemment prévu. Donc Cisco avait fait, dans un premier temps, accordé jusqu'au 15 février à Apple pour lui formuler une proposition, parce que bon, le nom iPhone appartient à Cisco. Faute d'accord, l'équipementier prolonge donc le délai d'une semaine. Cisco revendique la propriété de la marque iPhone utilisée par sa filiale grand public Linksys depuis le mois de décembre dernier. Les négociations n'ont pas encore abouti et Cisco cherche à rappeler à Apple qu'il ne doute pas de ses droits sur la marque iPhone afin de peut-être inciter ce dernier à accepter de se ranger à ses propositions. Réponse le 21 février, c'était hier, donc on va suivre le dossier la semaine prochaine. Un nouveau consortium dédié à la promotion des logiciels libres au code source ouvert voit le jour. Fondé par 10 acteurs de l'open source, c'est-à-dire Adaptive Planning, Centric CRM, CollabNet, Enterprise DB, HyperRig, Jaspersoft, OpenBravo, SourceForge.net, SpikeSource et le français Talend. L'Open Solutions Alliance s'est donné pour mission de promouvoir l'adoption en entreprise de solutions open source, l'interopérabilité et la commercialisation de solutions intégrées rapidement déployables. Je vais mettre les liens des articles pour plus d'informations sur le mplante.wordpress.com, donc allez-y, je vous attends pendant ce temps. Alors que nous débattions en début de semaine sur le successeur de Windows Vista et sur l'opportunité d'avancer une potentielle date de sortie, Microsoft dévoilait cette semaine ses plans pour la prochaine version d'Office. Ça va être Office 14 parce qu'il va sauter par-dessus le chiffre 13 qui n'est pas synonyme de chance pour eux. Hormis ça, on apprend que Microsoft prévoit une sortie d'Office 14 dans la période 2009-2010 avec un investissement en recherche et développement de 20% supérieur à celui d'Office 2007. Microsoft devrait dépenser 930 millions de dollars par an pour concevoir ce Office 14. Au retour, on va parler entre autres d'un nouveau format de HD DVD qui s'appelle le 3X DVD et un petit peu de Windows Live Messenger, tout ça et le fil jeu vidéo. Mais avant, on continue notre série sur Chrono Symphonic. Voici la deuxième pièce, Morning Sunlight, à la connexion sur C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. C'est Fire et Cirrus avec la série en concert qui continue avec la pièce Morning Sunlight. C'était la deuxième pièce. Vous écoutez La Connexion, on parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo sur CIFU 89.1 FM. On est encore en plein fil informatique. Parlons un petit peu d'un nouveau format. Alors que la guerre des formats fait rage entre les deux supports de nouvelle génération que sont le HD DVD et le Blu-ray, un support qui utilise le laser bleu, un nouveau concurrent semble émerger des ennuis en perspective pour Toshiba et Sony. Peut-être le nouveau format en question est baptisé le 3X DVD et c'est l'œuvre de Doug Carson & Associates, une firme spécialisé dans la mise au point de logiciels de mastering pour DVD. Le 3X DVD, c'est pas vraiment un média de nouvelle génération puisque c'est dans le fond un simple DVD double couche de 9,4 gigaoctets qui supporte le format de fichier UDF 2.5, la technologie de protection AAS ainsi que le contenu haute définition. Malgré son appartenance à la famille des disques à laser rouge, donc le 3X DVD ne pourra être lu que par des platines HD DVD. Naturellement, du fait de l'espace de stockage réduit qu'il offre, le disque ne pourra accueillir que des vidéos en 720p codées au format VC1 ou AVC. Bien sûr, on peut demander pourquoi il y aurait vraiment un intérêt en ce format-là, puisque pour le lire, il va falloir de toute façon acheter un lecteur HD DVD, donc aussi bien acheter le média qui vient avec. Microsoft a été victime d'un scareware la semaine passée. La firme de Microsoft a effectivement été dans l'obligation de retirer des publicités qui étaient diffusées à travers son programme de messagerie instantanée Windows Live Messenger. Les publicités en question faisaient de la promotion d'un programme appelé WinFixer. C'était une application qualifiée de scareware par les spécialistes. Concrètement, ça veut dire qu'il se charge de provoquer une certaine peur chez les utilisateurs novices. Donc, les publicités diffusées indiquaient de manière erronée à l'utilisateur que son ordinateur était victime de failles de sécurité et qu'il devait absolument acheter WinFix pour résoudre ses soucis. Eh bien, Microsoft aurait visiblement mal évalué les problèmes que pouvait poser la diffusion de publicité pour ce genre d'application. La firme, après avoir été alertée, a toutefois réagi rapidement en retirant la publicité qui violerait sa politique. Dommage. petit article du carnet techno de Radio-Canada, et c'est quand même assez important. Donc, est-ce que vous saviez que d'ici 3 semaines, il va être temps de passer à l'heure avancée déjà? Ça va être à compter du 11 mars qu'on va passer à l'heure avancée, 3 semaines plus tôt qu'à l'habitude, dû à l'adoption de la loi sur la nouvelle politique énergétique américaine en 2005 par le président George Bush. Donc, vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque, le Québec avait endossé le changement d'heure. Eh bien, à la maison comme au bureau, si vous utilisez un ordinateur qui fonctionne dans l'environnement Windows XP ou 2000, Microsoft offre déjà sur son site un patch, une rustine, que vous allez pouvoir télécharger immédiatement et l'installer sur votre appareil pour vous assurer un passage en douceur. Si vous utilisez une version antérieure de Windows, vous devrez faire le passage à l'heure avancée manuellement. Pour ceux qui sont passés sous Windows Vista, Microsoft a déjà prévu le coup et le logiciel est déjà installé et ça se fait tout seul. Pour ce qui est d'environnement Mac, Apple vient de rendre possible de télécharger une rustine aussi qui va permettre d'assurer une transition en douceur pour les gens qui utilisent OS X 10.3.9 ou plus récente du système. Pour les autres versions, il va falloir le faire encore une fois à la mitaine. Passons maintenant à quelques nouvelles de jeux vidéo. Jouer à des jeux vidéo améliorerait l'habileté de certains chirurgiens, selon une étude publiée cette semaine dans la revue américaine Archives of Surgery. L'article scientifique montre que les chirurgiens résidents d'une université new-yorkaise ont joué à des jeux vidéo durant l'étude qui ont joué à des jeux vidéo durant l'étude utilisaient leurs instruments plus précisément que leurs collègues. Pour faire cette affirmation, les auteurs du texte ont étudié les résultats de tests d'habileté effectués par 33 chirurgiens résidents spécialisés dans la laparoscopie. Ça consiste à accéder à la cavité abdominale grâce à une petite incision par laquelle le médecin pourra y glisser ses instruments de travail. Les 9 chirurgiens qui ont joué à des jeux vidéo au moins 3 heures par semaine pendant l'étude ont effectué 37% moins d'erreurs, étaient jusqu'à 27% plus rapides et ont obtenu un score général de 42% plus élevé que les 15 chirurgiens qui n'ont pas joué à des jeux vidéo pendant la même période. Selon les auteurs de l'article scientifique, la corrélation entre le fait de jouer à des jeux vidéo et de pratiquer des chirurgies demandant de l'extrême précision serait même plus importante que la durée de l'entraînement des chirurgiens résidents. La fermeture de Clover Studios l'an dernier, un studio de jeux vidéo, a percé le cœur de bien des joueurs friands de projets tels que Beautiful Joe et Okami. Eh bien, bonne nouvelle, un nouveau studio japonais vient de se former, il s'appelle Seeds, et ça comprend plusieurs développeurs de jeux et de séries fort connus et populaires. Donc, Seeds comprend des employés qui font partie des créateurs de séries tels que Resident Evil, Devil May Cry, Tekki, Beautiful Joe et Okami. Ils sont basés à Osaka et ils vont être dirigés par l'ancien président de Clover, Atsushi Inaba. Encore bien du mystère tourne autour de ce studio qui n'a pas fait d'annonce officielle et qui n'a pas de site Internet, si ce n'est qu'un site pour faire du recrutement. Avec Inaba, d'autres acteurs connus dans le milieu vont participer du mieux qu'ils peuvent avec ce studio, dont le directeur de Resident Evil 2, de Devil May Cry, de Beautiful Joe et de Okami, et le directeur de Resident Evil 1 et 4 et de Dino Crisis. Clover Studios devient Seeds. Sony a annoncé que des jeux vidéo classiques vont être disponibles sur leur PlayStation Network prochainement. Je me demande où ils ont pris cette idée-là. Premier jeu vient joindre les rangs du contenu téléchargeable parce que Qbert va être disponible dès la semaine prochaine. Yay! Disponible dès le 22 février, Qbert a été quelque peu revampé pour la PlayStation 3 puisque le jeu va supporter des résolutions jusqu'à 720p et il va être possible de comparer ses pointages avec le reste des joueurs branchés sur la PlayStation 3 ou sur le réseau de la PlayStation. Dans un rapport, un analyste chez Wedbush Morgan a dévoilé le top 3 des meilleurs vendeurs en janvier 2007 pour chacune des consoles sur le marché, donc les voici. Sur Xbox 360, on commence en troisième position par Rainbow Six Vegas. En deuxième, c'est Gears of War et en première, le jeu le plus vendu, c'est Lost Planet Extreme Condition. Pour les autres consoles, je vais nommer seulement les numéros 1. Sur PlayStation 3, c'est Resistance Fall of Man. Sur Nintendo Wii, c'est WarioWare Smooth Moves. Sur PlayStation 2, Guitar Hero 2 with Guitar, la version qui vient avec la guitare. Sur GameCube, c'est Zelda Twilight Princess. Et sur les consoles portables, c'est un jeu de Nintendo DS, New Super Mario Bros. La International Intellectual Property Alliance, la IIPA, une coalition qui regroupe des producteurs de films, de musique et de software ou de logiciels et qui vise à protéger les droits d'auteur, blâme sévèrement le Canada. En collaboration avec la Entertainment Software Association, l'ISA, l'IIPA tente de convaincre le gouvernement américain de placer le Canada sur la liste noire des pays qui violent les droits d'auteur. L'IIPA accuse les lois canadiennes d'être dépassées dans l'univers numérique et de ne pas offrir suffisamment de protection aux auteurs. Par exemple, saviez-vous que c'est pas illégal au Canada de filmer une œuvre dans un cinéma? De plus, les mod chips seraient en vogue, permettant aux utilisateurs de pirater des jeux. Ça, c'est pas serait, mais c'est vraiment vrai. Danielle Parr, la directrice de ISA Canada, a affirmé à IGN.com que son organisation tente de convaincre le gouvernement canadien depuis 10 ans à ce sujet. Selon elle, le premier ministre précédent, Paul Martin, était loin d'y accorder de l'attention, mais Stephen Harper serait plus ouvert aux discussions. Si les États-Unis acceptent de placer le Canada sur la liste noire, ce qui semble peu probable, notre beau grand pays sera alors aux côtés de la Chine et de la Russie en matière de piratage. Le Canada pourrait aussi faire face à des sanctions de l'Organisation mondiale du commerce. C'est un article de JeuXpress.com. Petite nouvelle extrêmement rapide. Vous le connaissez sous le nom de Panel Deepon, de Tetris Attack, de Puzzle League. Mais sinon, peut-être que vous le connaissez sous le nom de meilleur jeu de puzzle jamais sorti de tous les temps. Donc, ce jeu-là va s'en venir sur Nintendo DS. Donc, c'est une petite nouvelle que je voulais vous apporter. Tetris Attack ou n'importe quoi. C'est génial comme jeu. C'est un petit puzzle qui s'en vient sur DS. Yeah. Ensuite, tiens, je vais poster sur le mplante.wordpress.com. Je sais que je suis pas très bon pour tenir mes promesses par rapport à ça, mais je vais essayer de le faire cet après-midi. Nintendo Power, un vidéo promotionnel pour la Nintendo 64 fait par Nintendo Power. Très, très mauvais vidéo, mais quand même, ça annonce le lancement de la Nintendo 64 le 29 septembre 1996. C'est un bonus pour les abonnés à Nintendo Power. Et c'est génial, allez voir l'article Nintendo Power N64 promo vide sur le mplante.wordpress.com. J'ai aussi posté une démo technologique pour l'Ultra 64, qui était la Nintendo Ultra 64 avant même d'être la Nintendo 64. Donc, la vidéo montre les capacités graphiques du système et versus d'autres jeux 3D dans les CD-ROM, tiens, sur les PC. C'est une vidéo de comparaison. J'ai aussi posté, Greg Duke Rayburn qui a fait un cadeau pour sa copine pour la Saint-Valentin. Il a demandé à son ami, en fait, c'est pas lui qui l'a fait lui-même, il a demandé à son ami de lui faire une paire de figurines basées sur ses personnages, sur son personnage et sur le personnage de sa copine sur le service Mu de Nintendo Wii. Donc, vous pouvez faire votre propre personnage sur la console. Et bien, lui, il a demandé à son ami de faire des figurines réelles dans le vrai monde et c'est super mignon. Et puis, il va offrir... Paul Page Designs va offrir des sculptures d'avatars mi-personnalisés pour, en fait, il va faire 100 figurines pour $50 chacune. Allez voir le lien. Ça vaut peut-être la peine si votre copine aime vraiment beaucoup les jeux vidéo. Et j'ai aussi posté un lien, ce qui s'appelle Chocolate Wii ou Controller. Quelqu'un se demandait, Balakov, il se demandait quoi faire avec l'emballage de sa télécommande de Nintendo Wii. Ben, il a décidé de verser du chocolat et de faire des sculptures de chocolat blanc de sa télécommande de la Nintendo Wii. Je trouve ça vraiment beau et ça a l'air vraiment très très bon aussi. Autour de la pause, on fait un petit peu le tour du net et on regarde ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Tout ça, plus des gadgets et un paquet d'autres choses. C'est au retour à la connexion sur C'est Fou 89.1 FM. Right on. Attention, voici un message d'intérêt public. La station de radio CFOU 89.1 FM désire informer le public qu'elle procède actuellement à une période d'essai en vue d'augmenter sa puissance de diffusion sur la bande FM. CFOU 89.1 FM diffuse à partir de son antenne localisée au 3351 Boulevard des Forges, Trois-Rivières, Québec. Cette période d'essai sera d'une durée de 21 jours à compter du jeudi 8 février jusqu'au mercredi 28 février 2007. CFOU 89.1 FM désire également informer le public qu'en cas de problème de brouillage, les personnes doivent signifier leur plainte en communiquant par téléphone à Radio Campus des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières, CFOU 89.1 FM, au numéro de téléphone suivant 819-376-5184, poste 5, ou par courriel à l'adresse dgcfou@commercialuqtr.ca. Vous êtes toujours à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. On était dans le fil jeux vidéo il y a quelques secondes, mais maintenant on saute tout droit à la chronique cette semaine dans l'histoire. On commence par le côté informatique. Le 19 février en 1971, il y a le premier, comme on appelle en anglais, un warrant qui a été donné pour pouvoir rechercher dans un ordinateur. Donc même si c'est pareil comme bon la justice pour chercher une maison, etc., la police qui vient puis qui cherche la maison, et bien maintenant, en 71, ça a amené une nouvelle ère qui a mené à des méthodes sophistiquées d'encryption pour cacher les fichiers d'ordinateur de ces agents de l'enforcement de la loi. Ensuite, le 20 février en 1947, le pionnier des ordinateurs Alan Turing a suggéré qu'on pourrait tester l'intelligence artificielle en jouant aux échecs. Il a parlé de ça à la London Mathematical Society. Donc, les ordinateurs, disait-il, doivent, comme les humains, être entraînés avant de pouvoir tester leur quotient intellectuel. Un mathématicien humain, continue-t-il de dire, a toujours eu à suivre un entraînement très long, et cet entraînement pourrait être vu comme étant comme c'est difficile à traduire vraiment de l'anglo-français. Bon, donc ils disent que on pouvait pas s'attendre à ce qu'une machine fasse du bon travail sans qu'on l'entraîne, autant qu'un humain ne peut pas faire du bon travail sans qu'on l'entraîne à ce qu'il est supposé faire. Est-ce que c'est clair? Le 22 février en 1928, le co-inventeur du BASIC, Thomas Kurtz, est né. Avec John Kemmerny, Kurtz a développé le langage de programmation BASIC pour ses étudiants du collège Dartmouth dans les années 60, au début des années 60. Le 24 février en 1955, le cofondateur de Apple Computers, Steve Jobs, est né. Jobs a été instrumental, voilà, dans le développement du Macintosh, l'ordinateur qui a amené Apple à des niveaux inespérés de succès. Après avoir quitté la compagnie qu'il a démarré avec Steve Wozniak, Jobs a continué le développement d'ordinateurs personnels chez Next Inc. Et Jobs, depuis ce temps, est retourné chez Apple. Passons un petit peu du côté des jeux vidéo. Le 15 février en 95, LucasArts sortait Star Wars Dark Forces pour le PC. C'est le premier first-person shooter de du monde de Star Wars. En 2000, le 16 février, Electronic Arts a sorti Nox pour le PC aux États-Unis. On disait que c'était un mélange entre Quake et Diablo avec une composante multijoueur. Le 17 février en 2004, Electronic Arts a sorti James Bond 007 Everything or Nothing pour les consoles aux États-Unis. Le 18 février en 98, la Justice Ministry du Brésil a banni Grand Theft Auto de la vente. Tous ceux qui se faisaient prendre en train de vendre le jeu pouvaient recevoir une facture de 8 600 $ de contravention. Donc Grand Theft Auto. Le 19 février en 98, après une année de négociations, Electronic Arts a annoncé qu'ils avaient signé un contrat avec Tiger Woods pour un contrat international. Et en 99, toujours le 19 février, Capcom a sorti Resident Evil 2 pour le PC au Japon. Le 20 février en 2003, Codemasters a sorti Colin McRae Rally 3 pour la Xbox aux États-Unis. Et finalement, le 21 février en 1986, Nintendo a sorti The Legend of Zelda pour la FDS au Japon. C'était le jeu le plus ambitieux à ce moment-là, qui supportait un monde interactif gigantesque, en plus d'une histoire qui pourrait durer au-dessus de 20 ans sans montrer aucune fatigue. C'est un jeu encore aussi classique aujourd'hui. Tantôt, on a fait le top des mots-clés on a fait le top des jeux les plus loués en club vidéo. Maintenant, faisons un petit peu le top des mots-clés les plus recherchés sur Google aux États-Unis pour la semaine qui se termine le 17 février 2007. En fait, c'est les mots qui ont gagné le plus de terrain, les mots les plus populaires en ce moment. En cinquième position, c'est les Dixie Chicks. En quatrième, Peanut Butter Recall. Apparemment, qu'il y a du beurre de cacahuète qui doit être renvoyé. C'est la FDA qui a averti ses clients de ne pas manger certains pots de beurre de cacahuète de Peter Pan. Donc, ça fait une grosse controverse. En troisième, c'est les Grammys. En deuxième, c'est Michelle Manhart, qui est des photos de Playboy d'elle. Oh, ben, regardons ça. C'est fun, ça. OK. Et alors, en première position, c'est Valentine's Day, la Saint-Valentin. Voilà. Regardons quelques nouveautés qui s'en viennent en magasin et on manque tellement de temps cette semaine, ça n'a même pas de sens. Sur Nintendo DS, on retrouve les nouveaux jeux F-24 Stealth Fighter, Izuna Legend of the Unemployed Ninja, Meteos Disney Magic, Micro Machines V4, Trion Cube. Sur PC, on va sauter directement à PlayStation 2, Arena Football Road to Glory et Luminous Plus. Sur PlayStation 3, Virtua Fighter 5. Sur PSP, Monster Kingdom Jewel Summoner, Mac et Metal Slug Anthology. Sur 360, Crackdown et NBA Street Home Court. Et sur Nintendo Wii, Sonic and the Secret Rings de Sega. Ensuite, si on va voir un tout petit peu les jeux les mieux cotés sur GameSpot, les jeux les plus populaires, les mieux cotés. En cinquième position, c'est Tekken Dark Resurrection avec un 9.2. En quatrième, World of Warcraft The Burning Crusade sur PC avec 9.2. En troisième, The Elder Scrolls 4 Oblivion sur PC avec 9.3. En deuxième, c'est le même jeu, mais sur 360 avec 9.6. Et en première position, on retrouve Gears of War de Microsoft sur la plateforme Xbox 360 et c'est coté 9.6. Et là, comme il nous reste très peu de temps, comme toujours, je vais vous mentionner quelques affaires que je vais poster sur le site de l'émission. Plusieurs affaires vraiment intéressantes. Il y a quelqu'un qui a fait l'expérience de tirer avec un BB gun sur un moniteur LCD. Il y a une vidéo sur break.com. Je vais mettre l'article sur le site. Il y a aussi quelques façons d'ajouter des nouveautés de Windows Vista dans votre Windows XP avec la Logitech de Cubic.com. Il y a une journée dans le mois de mars. On va revenir là-dessus plus tard, mais dans le mois de mars, il y a une journée Shutdown Day. Vous allez devoir fermer votre ordinateur et faire autre chose de votre vie juste pour cette journée-là. C'est comme la journée où on ne regarde pas la télé. Il y a aussi Virtual PC 2007 qui est maintenant gratuit de Microsoft. Ça a l'air vraiment génial. Comment créer votre propre bande dessinée avec le logiciel Comico. Des arrière-plans, des wallpapers, comme on appelle, de Windows Vista. Il y a des gens qui ont pris des photos, qui ont été engagés par Microsoft pour prendre des photos pour Windows Vista. Il y a certaines photos qui n'ont pas été sélectionnées. Et bien, quelqu'un les a postées sur Flickr et c'est vraiment cool d'avoir ça. Il y a aussi quelques gadgets spéciales USB. On parle d'un écran LCD qui se connecte en USB, des clés USB casier indestructibles, d'une clé USB grenade pour les militaires, le hub USB qui est en forme de roulette de papier collant. Et puis un paquet d'autres affaires, dont une efface, comme à l'école, c'est une efface blanche, mais qui est en forme de touche de clavier avec Dell écrit dessus. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment génial. Et voilà, c'est la fin de la connexion pour cette semaine. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé. Ça a passé très, très vite. On a parlé d'un paquet de choses intéressantes. On est de retour la semaine prochaine, jeudi à midi, en rediffusion. Si vous avez raté un bout de l'émission, si vous voulez la réentendre, c'est le mardi à midi. Moi, je vous retrouve à La Chance au coureur, l'émission de découverte musicale. C'est les vendredis à 10h et les jeudis à 13h. D'ailleurs, si vous écoutez la rediffusion, si vous écoutez la diffusion originale, c'est ce qui s'en vient. Si vous écoutez la rediffusion de l'émission, restez là pour le bon poste au bon moment. C'est dit. Et je vous retrouve aussi au Palmarès et Fou les vendredis soirs à 17h. Mais de la part de moi-même, Mathieu Plante, et de toute l'équipe fictive de La Connexion, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance. Dash.com.